الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique, Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adad an-nujum as-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa limal as-sahra et au nom des sables du désert, wa auladi adam wa hawa et au nom de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wa al-akhawatu fi l'islam, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habibi Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. Fi wasat al-ayat al-ramadaniya, adraja Allahu ayat al-du'a, au milieu des versets ramadaniques, Dieu a inséré un verset qui concerne الدعاء, l'invocation. فقال, il dit, lui le Très-Haut, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Si mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانَ. Je réponds à l'invocation de l'invocateur quand il m'invoque. وكأن الله يقول لنا بأن الدعاء جزء من عبادة الصائم في رمضان. Comme si Dieu nous dit par là que l'invocation, le dua, est une partie de l'adoration du jeûneur dans le mois de Ramadan. لأنه أدخل الدعاء وسط آيات الصيام, parce qu'il a inséré l'invocation, le dua, au milieu des versets ramadaniques. تخيل, imagine avec moi, صائما في رمضان, un jeûneur pendant le mois de Ramadan, عند الإفطار, lors de la rupture du jeûne, ou عند الأصحار, ou pendant le suhur, juste avant l'aube, يرفع يديه إلى السماء. Il lève ses mains vers le ciel. ويتكلم مع ربي. Et il parle avec son Seigneur. حتى تفيض دموعه. Jusqu'au point que ses larmes débordent. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète prière et ça lui dit. ثلاثة لا ترد دعوتهم. Trois, leurs prières ne seront pas refusées. الصائم حين يفطر وفي رواية حتى يفطر. يعني طول النهار. Le jeûneur lors de la rupture du jeûne, dans une autre version, jusqu'à la rupture du jeûne, c'est-à-dire pendant toute la journée. والإمام العادل, l'imam équitable, ودعوة المظلوم, et la prière ou l'invocation d'une victime d'injustice. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والبزار, rapporté par Ahmed Tirmidhi et d'autres. وبين الله آداب الدعاء في هذه الآية. Et Dieu a montré la manière de l'invocation du دعاء dans ce vers, dans un autre verset coranique. ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها. C'est à Dieu qu'appartient les plus beaux noms. Invoquez-le par eux. Ça veut dire, lorsque vous parlez avec Dieu, appelez-le avec l'un de ses plus beaux noms et il va répondre à vos appels. بمعنى تريد أن تسأل, تريد أن تطلب, تريد أن تدعو. ادعو الله باسم من أسمائه الحسنى وسيأتيك الجواب إن شاء الله. تريد الرحمة. Tu veux, mon frère ou ma soeur, la clémence. ناديه يا رحيم. Ya Rahman, tu cherches la miséricorde, la clémence, appelle-le, ô miséricordieux, ô très miséricordieux. Ya Rahim, irhamni, ô miséricordieux, touche-moi par ta clémence ou ta miséricorde. Tourid al-Quwwa, tu cherches la puissance. Nadi, ya Qawi, Qawini, appelle-le, ô tout-puissant, donne-moi de ta puissance. Tourid al-Ilm, Tu veux le savoir, la science. Nadi ya alim, alimni. Appelle-le au omniscient. Enseigne-moi ou apprends-moi de ton savoir. Touré d'Olrina, tu cherches la richesse, tu es pauvre. Nadi ya rani, irnini min fadlik. Appelle-le au très riche. Enrichis-moi de ta générosité. Touré d'Olshifa, tu es malade. Sur le lit, tu cherches la guérison. Nadi ya shafi, ishfini. Ô guérisseur, guéris-moi. Wa hakada, etc. Walakin la yumkin an tunadi Allah bi asma'ihi al-husna illa idha kunta ta'rifuha. Mais le problème, mon frère ou ma sœur, tu seras incapable d'appeler notre Seigneur avec ses plus beaux noms dans le cas où tu les ignores. Qala an-nabi, c'est-à-dire il faut les connaître. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète prière et sage lui dit: Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Dieu a 99 noms. Ça veut dire 100, sauf un, man ahsaha dakhala al-jannah. Celui qui les énumère entrera au paradis. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Man arafa jami'a asma'illah, celui qui aura connu tous les plus beaux noms de Dieu. Wa amila biha, et il aura œuvré selon ces noms, entrera au paradis, dakhala al-jannah. Fa asma'ullahi min sifati. Les plus beaux noms de Dieu sont tirés de ses attributs. Wa man arafa as-sifat, arafa Allah. Et celui qui aura connu les attributs de Dieu aura connu Dieu. Fa kayfa ta'budu rabban ya akhi wa ya ukhti wa anta la ta'rifu. Comment, frère ou sœur, adores-tu un Seigneur et tu ne connais pas, tu ne connais pas ses attributs? C'est-à-dire que tu dois connaître ses plus beaux noms et ses attributs. Min ajli dhalik, sana'ishu al-yawma ma'a ba'd asma'i Allah al-husna. Raison pour laquelle aujourd'hui on va vivre avec quelques-uns de ses plus beaux noms. Wa qad ikhtartu lakum isma'ini. Et j'ai choisi pour vous deux noms. Ad-dar wa an-nafi'. Le désavantageur et l'avantageur, ou bien celui qui apporte le mal et celui qui apporte le bien ou l'avantage. Peut-être les gens ont peur de ce nom de Dieu, de ce beau nom de Dieu, le désavantageur, celui qui apporte le mal. Et les gens ont peur du mal. لهذا الناس لا يسمون أولادهم عبد الدار. ما رأيت أحدا سمى ابنه عبد الدار. Raison pour laquelle jamais je n'ai vu, peut-être jamais vous n'avez vu quelqu'un qui a donné comme nom à son fils le serviteur du désavantageur. بينما يسمونهم عبد الرحيم. Il les appelle le serviteur du clément, du miséricordieux. لأنهم يحبون الرحمة الإلهية, parce que les gens aiment la clémence divine. ويسمونهم عبد الغفور. Ils appellent le serviteur de l'absoluteur. لأنهم يحبون المغفرة الإلهية, parce qu'ils aiment l'absolution divine. ولو فكرنا لوجدنا بأن الضر يتبعه النفع. Mais si on réfléchit un petit peu, on va trouver que le mal est toujours suivi par le bien. كما قالوا في كل محنة منحة. Comme ils ont dit, dans chaque épreuve, il y a un don. وكما قالوا رب ضارة نافعة. Et comme ils ont dit, il se peut qu'un mal soit un bien. وهكذا يصبح الضر مساويا للنفع. Ainsi, le mal devient égal au bien. فالله يضر لينفع. Dieu apporte le mal pour apporter par la suite le bien. ويخفض ليرفع. Dieu rabaisse pour par la suite élever. ويبكي ليضحك. Et Dieu fait pleurer pour que par la suite il te fait rire. إلى آخره, etc. لا إله إلا الله. Je donne un petit exemple. فَالْمَرْأَ الْحَامِلِ. Si on regarde la femme enceinte. حَمْلُهَا ضُرٌ. حَمَلَتْهُ كَرْهًا. حَمْلُهَا ضُرٌ. Sa grossesse est un mal. وولادتها ووضعها كره وولادتها ضر et son accouchement est un mal. ومن كل هذا الضر يأتي نفع محبوب. Et de tout ce mal vient un bien qui est très cher, وهو المولود, qui est le nouveau-né. فالمرأة تبكي عند الولادة. La femme pleure lors de l'accouchement. وعند رؤية المولود تنسى البكاء وتضحك. La femme pleure lors de l'accouchement, mais lorsqu'elle voit le nouveau-né, elle oublie les pleurs et rit. أبكاها الضر وأضحكها النفع. Le mal l'a fait pleurer, mais le bien l'a fait rire. أخي أختي, frère, sœur, أبشر, je t'annonce une bonne nouvelle. أمام الضر لك ثلاث أمور تشجعك على تحمله. Devant le mal, t'as trois choses qui vont t'encourager à le supporter. أولا, premièrement, لما يمسك الضر, lorsque le mal te touche, فاعلم بأنه أتى من الله. Sache qu'il est venu de la part de Dieu spécialement pour toi. خصيصا أتى من الله خصيصا لك. ولم يأتيك من طرف الناس. Le mal n'est pas venu vers toi de la part des gens. وهذا يهون عليك حرارة الضر. Et rien que ça, ça te fait soulager ou ça te fait faciliter l'ampleur du mal. فلا ضار في الكون غيره. Il n'y a aucun dans l'univers qui apporte le mal à part lui. ولا نافع في الكون غيره. Et il n'y a aucun dans le monde qui peut apporter le bien à part lui. لا إله إلا الله. Il n'y a aucune divinité à part Allah. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس, le prophète prière et s'assoit, dit à Abdullah, fils de Abbas, que Dieu soit satisfait de lui, رضي الله عنه, في صغري, lorsqu'il était dans son enfance, c'est-à-dire Abdullah ibn Abbas, يعلمه العقيدة الإسلامية, pour lui enseigner la foi musulmane, la croyance musulmane, يا غلام, au jeune, إني أعلمك كلمات, je vais t'apprendre quelques phrase ou quelques mots. احفظ الله يحفظك. Préserve Dieu et il te préserve. Ça veut dire ne transgresse pas ses limites d'interdit. احفظ الله تجده تجاهك. Préserve Dieu et tu le trouveras en face de toi. إذا سألت فاسأل الله. Quand tu demandes quelque chose, demande-la à Dieu. وإذا استعنت فاستعن بالله. Et quand tu demandes l'aide, demande-la à Dieu. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Et sache que si la nation entière s'est unie pour t'apporter un quelconque bien, ils ne peuvent apporter qu'un bien, ils ne peuvent t'apporter qu'un bien écrit déjà par Dieu pour toi. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Et dans le cas où ils s'unissent pour te nuire d'un quelconque mal, ils ne peuvent te nuire que d'un mal écrit déjà par Dieu contre toi. لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام. Les plumes sont déjà levées. وجفت الصحف. Et les dossiers sont devenus secs. رواه, ça veut dire rien ne change par la suite. رواه الإمام الترمذي. Rapporté par l'imam الترمذي. فالنافع هو الله. L'avantageur, c'est Dieu. والضار هو الله. Et le désavantageur s'appelle Allah. ويقول الله تعالى وتبارك في آية. Dieu le très haut dit dans un verset coranique, ولا تدعو, يعني ولا تعبد, ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك, ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك إذا أطعته, ولا يضرك إذا عصيته. N'invoque pas en dehors de Dieu ce qui ne te fait ni bien ni mal. Ne te fait ni bien dans le cas où tu l'adores, tu lui obéis, et ne te fait pas mal quand tu lui désobéis. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Et si tu le faisais, tu ferais alors partie des injustes. هذا شرك, parce que c'est une association. والشرك ظلم عظيم. Et l'association est une injustice énorme. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Si Dieu te touche d'un mal, nul ne peut le dissiper en dehors de lui. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Et s'il te veut un quelconque bien, rien ne peut détourner sa générosité. Rajoute. رأى إنسانا مهموما. Un homme a vu un homme angoissé parce qu'il n'avait pas l'argent. فقال له يا ابني طمئن نفسك فإن الله يعرف عنوانك. Il lui a dit rassure-toi mon fils parce que Dieu connaît ton adresse. يصيب به من يشاء من عباده. Il en atteint qui il veut de ses serviteurs. وهو الغفور الرحيم. Et il est l'absoluteur et le miséricordieux parfait. ثانيا. Deuxièmement, لما يمسك الضر. Lorsque le mal te touche. فاعلم بأنه أتى من طرف. من طرف. Sache qu'il est venu de la part. من طرف الحكيم. De la part de l'infiniment sage, min al-adl, de la part de l'équitable, min al-latif, de la part du très subtil, min taraf al-rahim, de la part du très miséricordieux. Ad-durru alladhi ata, le mal qui est venu et qui t'a touché, ja'a li-hikma ilahiyya, min taraf al-hakim, il est venu de la part du très sage pour une certaine sagesse. Connu par Dieu, حسب عدل إلهي, selon une justice divine, ومصحوب بلطف إلهي, ومصحوب برحمة إلهية, et il est accompagné d'une douceur et d'une miséricorde divine. وهذا يهون عليك الضر, et ceci te facilite à supporter le mal. ثالثا, troisième mot, لما يمسك الضر, lorsque le mal te touche, فَعْلَمْ بِأَنَّهُ مَتْبُوعْ بِالنَّفْعِ, sache qu'il est immédiatement suivi par le bien. وَهَذَا يُهَوِّنْ عَلَيْكَ الضُّرْ حَرَارَةَ الضُّرْ, et ceci te facilite l'ampleur du malheur ou du mal. عِنْدَمَا تُحِسْ بِأَلَمْ الضُّرْ, lorsque tu ressens la douleur du mal, فَأَسْرِعْ إِلَى اللَّهِ, لَا تُسْرِعْ إِلَى النَّاسِ. Asri' ila Allah, quand tu ressens la douleur du mal, ne te précipite pas vers les gens, précipite-toi d'abord vers Allah. Fala man yarfa'uhu ghayruhu, personne ne peut enlever ton mal à part lui. Irfa' yadayka lillah, lève tes mains vers Allah. Nadihi bi asma'ihi al-husna, appelle-le par ses plus beaux noms. Asilid d'humour, laisse couler les larmes, fi tawadu'in wa khushu', dans une grande humilité et recueillement, wa sayudhhibu Allahu ad-durra wa yubaddiluhu bin-naf', et Dieu va faire partir le mal et va le remplacer par le bien. Fa inna ar-rabba yurabbi ba'dha 'ibadihi bid-durri rahmatan bihim, parce que le Seigneur éduque quelques-uns de ses serviteurs par le mal, par effet de miséricorde de sa part. وَلَوْ تَرَكَهُمْ لَظَلُّوا فِي الدُّنُوبِ وَأَصْبَحُوا مِنْ أَهْلِ النَّارِ, et dans le cas où il les laisse faire, ils vont continuer comme pécheurs et ils finiront par être dans l'enfer. فَالضُّرُّ أَتَى مِنَ اللَّهِ, le mal est venu de la part de Dieu. ولكن ذنوبك هي السبب, mais tes péchés étaient la cause. لهذا نقول, pour cette raison on dit, الشر من أنفسنا والخير من الله, le mal vient de nous-mêmes mais le bien vient de la part de Dieu. وأمام الضر يتوب العبد إلى الله, devant le mal le serviteur se repent à Dieu, revient à Dieu. وهكذا يصير الضر أو الضر نفعا, ainsi le mal devient un avantage, devient un bien. يخرج العبد من النار إلى الجنة, qui fait sortir le serviteur de l'enfer vers le paradis. هناك أغنياء لا يعرفون الله مذنبون لا يعرفون الله إلا إذا أفقرهم. Il y a des riches pécheurs qui ne connaîtront jamais Dieu que dans le cas où il les appauvrit. وهناك أصحاء مذنبون لا يعرفون الله إلا إذا أمرضهم. Il y a des gens qui jouissent d'une bonne santé mais qui sont pécheurs et qui ne connaîtront Dieu que dans le cas où il leur apporte la maladie. وآمنين مذنبين لا يعرفون الله إلا إذا أخفهم. Et il y a des gens qui sont en sûreté mais qui sont pécheurs et qui ne connaîtront Dieu que lorsqu'il leur apporte la terreur. قال العلماء ما وقع بلاء إلا بذنب. Les savants disent aucun malheur ne vient ou le malheur ne vient qu'à cause d'un péché ou ما رفع إلا بتوبة et ne repart ou ne s'enlève que grâce à un repentir. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, إننا في شهر رمضان, on est dans le mois de Ramadan, فلنتوب إلى الله من ذنوبنا, qu'on se repente à Dieu de nos péchés, توبة نصوحا, un repentir sincère, فإنه غافر الذنب وقابل التوب, parce qu'il est l'absoluteur du péché et celui qui agrée le repentir. وفي الأخير أوصيكم ونفسي بتقوى الله, à la fin je vous recommande à moi-même la piété de Dieu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد, عباد الله, après ceci serviteur de Dieu, أتساءل ما هي الفائدة من معرفة أن الضار هو الله وحده. Quel est l'intérêt du fait de connaître que Dieu est l'unique des avantageurs, وَأَنَّ النَّافِعَ هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ, et comme quoi l'avantageur est uniquement Dieu. الفائدة هي العزة, l'intérêt réside dans la dignité, هي الفخر, il réside dans la fierté, الكرامة, l'honneur. قال الله تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ ولرسوله وللمؤمنين. Or c'est à Dieu qu'appartient la fierté ou bien la dignité ainsi que qu'à son messager et aux croyants. هذان الاسمان من اسماء الله الحسنى يقولان لك, ces deux noms parmi les plus beaux noms de Dieu te disent, يا مسلم, ô musulman, ارفع رأسك عاليا, lève très haut ta tête. لا تركع أمام أحد غير الله, ne t'incline jamais devant personne à part Dieu. لا تسجد أمام أحد غير الله, ne te prosterne jamais devant personne à part Dieu. يا مسلم, ô musulman, إنك في مملكة الله, tu es dans le royaume de Dieu. لا تخف من ضر أي أحد, ne crains le mal qui peut venir de personne, ne crains le mal de quiconque. فالضر الوحيد هو الله, parce que l'unique désavantageur s'appelle Allah. ولا تطمع في نفع أحد, et ne souhaite le bien de personne. فالنافع الوحيد هو الله, parce que l'unique avantageur s'appelle Allah. تجد امرأة, tu trouves une femme, تركت حجابها في العمل, qui a abandonné le voile dans le travail, خوفا من الضر, par crainte du mal ou de la nuisance. الإسلام يقول لها, l'islam lui dit, الضار هو الله, le désavantageur unique s'appelle Allah. ربما بتركك الحجاب سيأتيك الضر الحقيقي, il se peut que ton abandon du hijab t'apportera le vrai mal. تجد رجلا ترك الصلاة طوال اليوم في العمل, tu trouves l'homme qui abandonne la prière pendant toute la journée dans le travail, خوفا من الضر, par crainte du mal. الإسلام يقول له الضار الوحيد هو الله, l'islam lui dit, l'unique désavantageur s'appelle Allah. ربما يا أخي ويا أختي بتركك الصلاة طول النهار والليل سيأتيك الضر, il se peut que ton abandon de la prière t'apportera le vrai mal. تجد رجلا يذل نفسه كثيرا من أجل ترقية في العمل مثلا, tu trouves un homme qui se rabaisse trop, peut-être il aura une promotion dans son travail. الإسلام يقول له, l'islam lui dit, النافع الوحيد هو الله, l'unique avantageur dans le monde s'appelle Allah. يا مسلم, لا من ينفعك في الدنيا غير الله, ô musulman, personne ne peut t'apporter le bien ou la promotion, l'avantage à part Allah. ولا من يضرك في الدنيا غير الله, et personne ne peut te faire mal dans le monde entier à part Allah, hassin alaqatak ma Allah, améliore ta relation avec Dieu, wa sayajlibu lak Allah an-naf'a fi ad-dunya wal akhirah, et Dieu va t'apporter le bien dans le bas monde et dans l'au-delà, wa yub'idu anka ad-dur fi ad-dunya wal akhirah, et il va éloigner de toi le mal dans le bas monde et dans l'au-delà. Wa natasa'al, et on s'interroge, mata yunafiq al-insan, quand est-ce que l'homme peut devenir un hypocrite? Mata yakhaf, quand est-ce que l'homme a peur? Mata yanhani, quand est-ce qu'il se rabaisse malgré que c'est un homme? Mata yaqlaq, quand est-ce qu'il s'angoisse? Al-jawab, la réponse, idha dhanna bi anna insanan yumkinu an yanfa'. C'est lorsqu'il pense qu'un homme ou qu'une personne peut lui être utile, peut lui apporter un avantage ou un bien, ou lorsqu'il pense qu'un homme peut lui faire mal. Mais lorsqu'il a la certitude qu'il n'y a aucun avantageur ou désavantageur dans le monde à part Allah, la ilaha illallah, il n'y a aucune divinité à part Dieu, dans ce cas, rafa'a ra'sahu amam an-nas, il va lever très haut sa tête devant tout le monde, wa wada'a ra'sahu faqat amam Allah, et il va déposer sa tête uniquement devant Dieu. Wa hadha la ya'ni anna al-muslim yatakabbar 'ala al-akharin, ceci ne signifie pas que le musulman doit être vaniteux ou orgueilleux devant les autres. Hadha ya'ni anna al-muslim yahtarim an-nas jami'an, ceci signifie que le musulman respecte tout le monde. Walakin la ya'budu an-nas, mais en même temps il n'adore pas les gens, li'annahu la ya'budu illa Allah ad-dar wan-nafi', parce qu'il n'adore que Dieu, l'avantageur et le désavantageur. Wa fil akhir, ya la fin, idha aradta an-naf' al-ilahi, si tu cherches le bien divin, fakun nafi'an li'ibadi, apporte le bien à ses serviteurs. Wa idha aradta ittiqa ad-dur al-ilahi, et si tu veux t'épargner du mal divin, fala tadur 'ibada, ne nuis pas à ses créatures. Wa la takun sahiban li ahli as-su', et ne sois pas l'ami des mauvais gens. Fa yusibuka ash-sharr al-ilahi alladhi yusibuhum, parce que le même mal qui les touche te touchera. Wa idha darraka ahad fatrukhu lid-dar, et lorsque quelqu'un te fait mal, laisse-le à l'avantage au désavantageur, c'est lui qui va se charger de lui. Wa fil akhir min al-umur allati tadfa'u ad-dur, parmi les choses qui repoussent le mal, as-sadaqa, l'aumône. Wa innana fi ramadan, et on est dans le mois de ramadan, fi ayami al-maghfira, dans les jours d'absolution. Wa fil jumu'a al-ula min shutambir, et dans le premier vendredi du mois de septembre, fadfa'u sadaqatikum al-yawma li masjidikum, donnez vos aumônes aujourd'hui à votre mosquée. Wa barakallahu fikum jami'an, et que Dieu vous bénisse tous. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب، يا من لا إله إلا أنت، نسألك في هذا اليوم أن تساعدنا على إحصاء أسمائك الحسنى. اللهم اجعلنا نعرف كل أسمائك ونعيش بقلوبنا مع كل أسمائك يا رب، وأدخلنا الجنة من بعد. يا سيدي يا مولاي، إننا في شهر رمضان ووصلنا لأيام المغفرة، يا رب نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا في هذه الأيام. يا رب لا تنسنا من مغفرتك. يا رب إنا مذنبون، إنا مقصرون، إنا ظالمون، ولكن أطمعتنا فيك رحمتك ومغفرتك، فلا تحرمنا من رحمتك ولا تحرمنا من مغفرتك. يا رب اغفر ذنوبنا في هذا اليوم جميعا. يا رب تقبل منا الصلاة وتقبل منا الصيام وأعنا على القيام. يا رب املأ قلوبنا بالتقوى. يا رب قلت لعلكم تتقون تتقون. يا رب املأ قلوبنا بالتقوى بفضل هذا الشهر المبارك. يا رب بلغ صلاتنا وسلامنا واحدا واحدا واحدة واحدة إلى حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.